L'intention aujourd'hui, c'est de vous donner une courte introduction au bouddhisme theravada et à ce qu'on fait dans ce sens. Donc, tout d'abord, je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe dans ce centre. Ici, à Dharamsala, on enseigne la méditation vipassana qui correspond à l'enseignement du Bouddha. Et tel qu'elle a été exposée et enseignée par par feu le vénérable Mahasi Sayadaw, un moine érudit du Myanmar. Il y a d'autres façons de pratiquer Vipassana en Birmanie et dans d'autres pays théravadins. Mais pourvu que ces méthodes, ces différentes méthodes, s'inscrivent sans rancune dans les Écritures, c'est-à-dire dans l'enseignement du Bouddha tel qu'il est exprimé dans le Gamapani, et pourvu que ces techniques s'enseignent correctement, elles mènent toutes au même but. Le pali est la langue qu'utilisait le Bouddha et dans laquelle ses enseignements ont été présentés. La transcription de ces enseignements pali en sanskrit est plus tardive. Et bien sûr, on sait que le sanskrit est la langue des textes religieux hindous. Donc, en quoi consiste réellement le bouddhisme theravada? Les Theras, c'est un nom pali, ce qui veut dire les anciens. Par exemple, le vénérable Mahakasmata, le vénérable Sariputta ou encore le vénérable Moggallana, tous ces grands disciples du Bouddha, qui étaient des arhats, donc des êtres qui avaient atteint la libération parfaite et définitive. Donc, c'est la signification du mot Théra, et la signification du mot Vada, c'est doctrine ou parole. Donc, Théravada veut dire parole ou doctrine des anciens. Il faut savoir qu'à la mort du Bouddha, 500 arhats, ou des anciens, donc, ont préservé les enseignements du Bouddha, qui se chiffrent au nombre de 84 000. Ce sont donc des morceaux de l'enseignement du Bouddha. Il y en a 84 000. Et ces anciens les ont rassemblés et les ont préservés, suivant ainsi les recommandations du Bouddha. Donc, ces enseignements qui ont été préservés par les anciens, c'est ce que l'on appelle le bouddhisme theravada. Pour pouvoir préserver ou rassembler tous les enseignements du Bouddha, il faut obligatoirement qu'il y ait deux choses, les textes et la pratique de ces textes. On dit dans la tradition que le texte, c'est comme le réservoir, et que la pratique, c'est ce que l'on met dans le réservoir. Donc ces deux choses sont intimement liées. Donc ces 84 000 morceaux de Dhamma ont été rassemblés par les anciens, en 40 voire 50 volumes que l'on appelle le Tipitaka, les trois corbeilles. Ces trois corbeilles sont le Vinaya, la corbeille du Vinaya, de discipline bouddhiste, la corbeille des suttas, c'est-à-dire le sermon, et la corbeille de l'Abhidhamma, la psychologie bouddhiste. So, our intention today is to give you a short introduction to Theravada Buddhism. And also practical, theoretical and practical information about Vipassana meditation. Et donc, conserver de façon sûre tous ces enseignements du Bouddha, des conciles ont eu lieu depuis la mort du Bouddha, très vite après la mort du Bouddha, jusqu'à l'époque actuelle. Vous voyez ici la carte avec en rouge les pays qui pratiquent le bouddhisme theravada. Il y a la Birmanie, le Laos, la Thaïlande. Alors ici, ici. Oh, Cambodia. Cambodia. Et donc, dans tous les pays, on pratique l'enseignement du Bouddha, qu'on appelle le Bouddha theravada. avec des variantes. Ils allaient savoir aussi bien au lieu depuis l'amour de Bouddha. En Birmanie, on dit qu'il y en a eu 6. En Thaïlande, ils disent qu'il y en a eu 10 parce qu'en fait, ils en ont fait chez eux, dans le propre pays, et sans inviter sans doute. Et c'est pour cette raison. Pour eux, il y en a eu 10. Quoi qu'il en soit, en Birmanie, on considère qu'il y en a eu 6, le premier, donc le très important, juste après la mort du Bouddha. Et puis après, le dernier, qui a eu lieu à Ranbun, en Birmanie. Ils avaient invité environ 2300 moines à participer à ce concile, des moines venant de 8 pays différents. Il faut savoir que lors du premier concile, après la mort du Bouddha, un moine du nom de Subhadra déclara « Ok, pendant toute cette période, nous avons dû obéir. » Qui nous disait « Ce n'est vu, ce n'est pas vu. » Maintenant qu'il est parti, nous pouvons faire ce que nous voulons. Alors évidemment, c'est pour cette raison que ce concile a eu lieu. Et c'est exactement quelles étaient les paroles du Bouddha. Le Bouddha avait en effet déclaré au moment de son décès, après mon décès, le Dhamma, c'est-à-dire le Sutta et l'Abhidhamma, le Dhamma que j'ai enseigné, de même que le cours de discipline, le Vinaya, que j'ai exposé, seront votre professeur. Donc, lors de ce premier concile, les enseignements du Bouddha ont été récités par l'assemblée de ces 2300 moines pour confirmer que tels étaient bien les mots du Bouddha. Il y a eu ensuite d'autres conciles, notamment le deuxième concile, qui s'est occupé d'une dispute, disons, qu'il y a eu dans la Sangha, le premier événement, à propos du code de discipline. Certains moines estimaient qu'il fallait alléger ce code de discipline, et donc c'est pour remettre de l'ordre dans tout cela que ce deuxième concile a eu lieu. Il y a eu ensuite d'autres conciles, le troisième, le quatrième, et cette époque également, les écritures pali qui sont traduites en sanskrit. Le sixième concile a de nouveau eu lieu au Myanmar et de nouveau des moines furent invités de 8 pays différents. Il y en avait beaucoup qui venaient de Birmanie. D'autres venaient d'Inde, du Sri Lanka, du Népal, du Cambodge, de la Thaïlande, du Laos et du Pakistan. Donc, en général, on parle de la Sangha ou de la communauté des bouddhistes. Elle est composée de quatre sortes de membres. Il y a tout d'abord les membres, qu'on appelle les bhikkhus en pali, qui doivent respecter 227 règles monastiques. Et donc, viennent ensuite les noms. Il faut savoir que jusqu'en 1300 après Jésus-Christ, il y avait dans le bouddhisme un ordre de bhikkhuni, donc l'équivalent des bhikkhus pour les bhikkhuni. Et ces bhikkhuni devaient respecter 377 préceptes, donc plus que les noms. Mais cet ordre s'est éteint donc vers les années 1300 après Jésus-Christ. Et actuellement, les femmes sont cependant représentées dans la Sangha par ce que l'on appelle le Silashin en Birmanie. Chaque pays a son propre de nom actuellement. Donc ces noms ne peuvent respecter que 8 ou 10 préceptes. Donc en fait, elles sont inférieures à ce point de vue-là aux moines qui en respectent 800 000. Et donc, mais en fait, ces noms ont une sorte d'information qui est équivalente parfois à celle des moines, au point de vue de la connaissance, par exemple, de l'étude et tout ça. Et ce problème de réinstaurer un ordre de bhikkhuni dans le Theravada a été abordé à chaque conseil pratiquement, mais il a chaque fois été refusé. Et donc, c'est encore toujours le cas, mais on en discute de façon assez sérieuse actuellement. Il y a cependant des moines en Thaïlande qui ont pris la liberté de fonder eux-mêmes un ordre de Bikuni. Mais ils ont été exclus de la Sangha parce que les décisions étaient prises toujours de commun accord avec tous les membres de la Sangha. Donc c'était pas pour le moment de le faire. Donc voilà, on en est là. Et ce sont donc les notes qui respectent 8 ou 10 préceptes. Donc c'est de cette façon que les notes existent en ce moment, et particulièrement en Birmanie, au Sri Lanka et en Thaïlande. Et elles sont chaque fois de façon différente de s'habiller. Par exemple, en Birmanie, les notes s'habillent comme celles-là, en rouge. En Thaïlande, c'est blanc. Et au Sri Lanka, c'est blanc. Et voilà, et dans chacun de ces pays, il y a une façon qui leur est propre d'ordonner les noms, donc les noms qui tiennent les 8 préceptes. Alors, quant aux laïcs, il y a bien sûr des laïcs qui sont des bouddhistes, et eux, on leur demande de respecter un minimum de 5 préceptes pour les entraînements. Les 5 préceptes sont de continuer, de prendre le délit, de ne se déconduire sexuellement, notamment la nudité, de ne pas mentir, ce qui inclut la parole de Dieu, la parole de Dieu. Oui, c'est la calamité, la médecine. Et puis, le rencontre de l'intoxication. Donc, le Bouddha apparaît à des périodes précises dans les cycles cosmiques. Pour devenir un Bouddha, cela prend des millions et des millions d'existences. Pendant toutes ces existences, le Bouddha fait ses pour ce qui est du Bouddha actuel, de notre Bouddha, l'histoire il y avait à son époque un Bouddha du nom de... Non, notre futur Bouddha était à l'époque du Bouddha Dipankara, donc il y a très longtemps, il était un ermite du nom de Soumena. Cet ermite, Soumena, souhaitait devenir lui-même un Bouddha. Mais pour en avoir la confirmation, il devait se retrouver en présence de ce Bouddha Dipankara. Il se trouva à un moment en présence du Bouddha Dipankara qui lui confirma que son aspiration serait réalisée. Donc, dès le moment où le futur Bouddha, donc l'ermite Soumena, reçu la confirmation de la part du Bouddha Dipankara qui deviendrait lui-même un Bouddha. Il réfléchit et se demanda comment il allait bien pouvoir faire pour devenir comme ce Bouddha Soumena. Il comprit que la première chose à obtenir, c'était la perfection de sa générosité. Puisque, en tant que Bouddha, le but, c'est d'aider les autres à atteindre la libération. Il faut savoir que ce ermite Soumena avait la potentialité de réaliser l'éveil parfait de son vivant dans la vie qu'il avait à ce moment-là. Mais il y renonça parce qu'il avait une forte compassion qui était légèrement lui et qui lui faisait penser qu'il préférait renoncer à son illumination parfaite à ce moment-là, développer ce qu'on appelle les paramètres des vertus dans le but de permettre aux autres eux aussi atteindre l'illumination parfaite. Donc il avait déjà une bonne dose de générosité à cette époque-là et il renonça à devenir un Bouddha parfait parce que c'est à devenir un être totalement illuminé, il lui aurait rendu impossible le faire le Bouddha. Et donc il renonça et il comprit qu'il allait devoir mener ses titres parmi ces 10 perfections. Alors, à toute question, ça m'a réduit comme un défi. Et donc, après avoir reconnaissant dans de très nombreuses réponses, le Bouddha, en arrivant à sa dernière existence, il reprit naissance à Lumbini. Ses parents étaient le roi Suddhodana et sa mère la reine Mahamaya. Et tout ceci se passait à Kapilavastu. Il portait le nom de Siddhartha. Il pratiqua et réalisa l'illumination à Bodh Gaya en Inde. Il enseigne à nous, il interdit l'illumination à la conception. Il enseigne à nous pendant 45 ans et mourut à pousser la main en main. Donc, le Bouddha était également appelé le cinquième Bouddha, tout simplement parce que chaque famille faisait partie du clan des cinquièmes. On peut aussi Bouddha Bouddha, ça c'est plutôt du côté de ça. C'est-à-dire, il m'a maintenant récité avec ce vais résume l'entièreté de l'enseignement du Bouddha, donc les 84 000 morceaux de Dhamma, repris dans les 45 ans de vie. Ce vais résume tout cet enseignement. Donc, ces mots pali que Sayadé vient de réciter veulent dire abstenez-vous des actions déméritoires. Pratiquez les actions positives, purifiez votre esprit, c'est l'enseignement de tous les moulins. Quelles sont les actions négatives, les actions malsaines? Voler, tuer, voler, se méconduire sexuellement. Il y a quatre actions verbales négatives, le mensonge, les paroles dures pour les agents. Calomnie, c'est-à-dire des paroles séchantes à tous les niveaux, que ce soit les amis entre eux, les familles, les groupes, séchantes. Les paroles séchantes sont nulles, la méfiance ou bien les paroles inutiles. Écouter ce genre de discours est parfaitement inutile, mais c'est absolument un peu. Et les mots qui sont plus, d'avoir comme métier quelque chose qui va nuire aux autres. Par exemple, on essaie de prendre un bien, l'argent, tout ça, ce sont des métiers qui sont considérés comme nuisibles. Et donc, la personne qui respecte les 5 et 7 mots de base, de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas se méconduire sexuellement, de ne pas pratiquer la parole incomplète, et ne pas prendre d'un accident, mais en réalité, en application, faites une autre promotion de Bouddha qui consiste à s'abstenir de toute activité malsaine. Quelles sont les actions justes, les actions bénéfiques? En bref, il y en a trois. La générosité, la moralité et le développement mental, que ce soit par la concentration ou par la vision. Donc, la première chose à pratiquer, c'est donc la générosité. Se montrer généreux, c'est savoir abandonner ses possessions et en faire bon aux autres. Donc, cela implique qu'il n'y a plus d'attachement. On diminue l'attachement à ses propres biens, ses possessions. Et on le fait pour rendre les choses heureuses. Donc, le fait de se montrer généreux est quelque chose de très positif parce qu'on va diminuer l'attachement à ses propres biens, ses possessions. Et on va pouvoir rendre les autres heureux. C'est très évident, facile à comprendre, que quand on donne quelque chose à quoi on est attaché à quelqu'un d'autre dans le but de le rendre lui heureux, ça rend heureux. Le fait de donner, de voir autre heureux, on rend heureux. Donc c'est une action très méritoire qui engendre automatiquement du bon karma. C'est-à-dire qu'il va avoir des conséquences évidentes dans un. Par exemple, en Birmanie, les gens croient fermement que le fait de donner, de se montrer généreux, amène la prospérité, amène l'éloge de la part des autres, on n'est pas critiqué, amène le respect et l'affection de la part du récipiendaire, et son éventuel soutien et son aide en cas de nécessité. Donc, la chose suivante, la réalité, c'est la moralité. Qui inclut le fait de prendre le plus dans le triple joyau et de respecter au moins 5 esprits, parfois plus selon le statut, que l'on soit donc laïque, moine ou laïque. Respecter le précepteur moraux, on dit dans la tradition que c'est faire le tour le don d'absence de crainte. Parce que quand on se retrouve dans un territoire qui respecte le précepte, on en a. Pour ce qui est du développement mental, il s'agit de la méditation de la tranquillité samadhi ou de la méditation de la vision pénétrante vipassana. Donc, voilà qu'on est menti à l'homme. La méditation de la tranquillité samadhi compte 40 méthodes enseignées par le Bouddha. Parmi ces 40, il y a 10 types de pratiques qui consistent à se concentrer sur ce que l'on appelle les kasinas, c'est-à-dire des objets. Il y a 10 types de concentration sur certaines impuretés. Il y a 10 types de concentration de remémoration et 10 autres types de pratiques. Je vais parler de certains types de concentration. Il y a tout d'abord l'Udanushati, qui est la remémoration, la réflexion sur les qualités du Bouddha. Donc, le premier, c'est donc l'Udanushati, la récitation des qualités du Bouddha. Le Bouddha a certaines qualités et les gens dans la tradition répètent ces qualités, comme par exemple la qualité de Ratan, qui veut dire digne de respect. Le Bouddha est respecté par les humains et par les êtres célestes. C'est la première qualité du Bouddha. Et donc, cette pratique de concentration, Bouddha Nushati, consiste à se focaliser sur les qualités du Bouddha, par exemple, si on se focalise sur la qualité de Arahant, qui veut dire digne de respect. Pourquoi le Bouddha est-il digne de respect? Parce que son sila, son samadhi, son samadhi, sa concentration, son panya, sa sagesse, était parfaitement développé. Cela mérite le respect. Et donc, on se concentre sur cette idée, le Bouddha est un Arahant, et donc digne de respect à cause de son sila, son samadhi, sa panya, qui était parfait. Une autre qualité, c'est Samasambuddha, le fait qu'il a atteint l'illumination, la libération, par lui-même, sans l'aide d'aucun autre professeur et de façon parfaite. Il y a également la qualité de Buddha, qui veut dire éveillé. Le Bouddha est un être parfaitement éveillé, étant donné qu'il avait développé sa connaissance à la perfection, il a été capable de l'enseigner les expériences aux autres et donc de permettre aux autres d'atteindre également l'aimer. La Nushati consiste donc à se concentrer sur ses qualités du Bouddha, développer ainsi la concentration et atteindre l'aimer. Et donc, lorsque vous voyez des gens qui font une prosternation devant un mouvement, ce sont des gens qui, en réalité, à ce moment-là, pratiquent cette méditation. Il y a également la pratique des Udanushati, la contemplation du Dhamma, des qualités du Dhamma. Le Bouddha a donc pratiqué, il a atteint l'illumination parfaite et. Mais ces enseignements sont le fruit de la pratique et de son expérience. Il va transmettre toutes ses connaissances, toutes ses réalisations à ses disciples. Et lorsque ces enseignements sont pratiqués de façon diligente et correctement, elles mènent à des compréhensions, des visions pénétrantes extraordinaires. Et si on se concentre sur les qualités, les membres des disciples du Bouddha, qui ont contemplé toutes ces qualités de façon intense, qui ont développé des vertus, si on contemple ces êtres, ces disciples du Bouddha, on pratique une sangha de vie, la contemplation des vertus de la sangha. Il faudrait également pratiquer la bienveillance. Donc, le metta. De la même façon qu'il y a certaines choses dont on voudrait se libérer nous-mêmes, il faut essayer de permettre aux autres d'y arriver également. Il faut comprendre que les autres aussi souhaitent se libérer, par exemple, de la souffrance. Il faut se concentrer sur cette idée. La pratique de Metta, c'est cultiver le désir sincère de voir les autres heureux. Et cette intention de rendre les autres heureux s'adresse à tous les êtres sans discrimination. Et donc, nous pouvons avec ainsi, que ce soit le Bouddha Santi ou Metta Bhavana, ce sont toutes des pratiques qui appartiennent à la méditation, à la concentration, ça. Et on cultive ainsi, on développe ainsi des actions meilleures. Et ensuite, la pratique de Vipassana, qui développe également des kusalas, des mérites. Et donc, cette pratique Vipassana consiste en même à observer attentivement tout ce qui se passe en soi, tout ce qui est physiquement en main, et à voir que ces choses se disparaissent constamment. Donc, l'entente de Vipassana consiste à être attentif à tous les contacts sensoriels qui se révèlent à chaque instant à l'intérieur de nous, et à voir que le phénomène, donc, on doit voir le but de tout ce de passer, savoir. L'entrée n'est pas d'apparaître, c'est de disparaître. Mais il est impossible au début de noter tous ces compassions sensorielles parce qu'il est trop long. Donc on va limiter l'observation à ce qui est très éminent. Essayez dans la posture qui vous convient, essayez de garder le dos bien droit et on va écouter les instructions sensorielles. Fermez les yeux. Focalisez-vous sur l'abdomen. Lorsque l'abdomen se gonfle ou se soulève, prenez en conscience. Lorsque l'abdomen se dégonfle ou s'abaisse, prenez en conscience. Il n'est pas nécessaire de répéter oralement, soulèvement, abaissement, mais mentalement, vous pouvez faire une note distraite et répéter soulèvement, gonflement, abaissement, dégonflement. Si vous ne sentez pas bien ces mouvements, vous pouvez mettre une ou deux mains sur l'abdomen de façon à mieux les ressentir. N'essayez pas de modifier la respiration, elle doit être naturelle, que ce soit une respiration subtile ou une respiration grossière. Observez le mouvement du soulèvement et étiquetez-le en répétant mentalement soulèvement. Observez le mouvement d'abaissement et étiquetez-le mentalement en répétant doucement abaissement. Si votre esprit quitte l'abdomen et se met à penser, vous devez prendre conscience du fait de penser. Vous répétez mentalement, pensez, pensez, et vous revenez à l'abdomen. Si quelque chose de physique devient évident, comme par exemple de la fatigue ou une sensation désagréable quelque part dans le dos, prenez-en simplement conscience, objectivement, étiquetez mentalement le phénomène et revenez tout de suite à l'abdomen. Si vous entendez un bruit, procédez de la même façon, prenez simplement conscience du fait d'entendre. Répétez mentalement, et vous revenez tout de suite à la même. Nous allons pratiquer ainsi pendant quelques minutes. De regarder maintenant le diapositive pour votre retour de tout ce qui vient d'être expliqué. Ça y avait de rester dans la salle avec vous, mais vous avez vu, vous ça. Je vous passe. Et merci. Permettez-nous comme ça, vous venez. Et s'il y a des questions brûlantes, vous pouvez les poser à ça y est, mais vous pouvez vous aider. Ça va? J'espère que ça va émaner et ça va se faire de l'éthique. If there's any burning questions, we could take a little time for that, but for sure we will have time to, we will do more meditation after the collation.